Bébé, je suis ton chico, de Marrakech à Marseille, bébé. Si tu le dis, c'est Noël. S'il faut pour toi, tout je laisse. Dans mon cœur, j'ai reçu la flèche. Cheveux longs, j'ai couleur noisette. On est en GS à Marrakech, yeah. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. J'ai couleur noisette, on est en GS à Marrakech, yeah. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. La plus belle des femmes.